Ouf, c'était terrible. C'était terrible. C'est-à-dire, l'eau a toujours été le problème majeur du meunier. La gestion de l'eau, le souci de l'eau, a toujours été le problème majeur du meunier. Il faut vous dire qu'on n'a pas le droit, on n'a jamais eu le droit, on l'a toujours pas d'ailleurs, de faire une prise fixe sur une rivière. On n'a le droit de faire qu'une prise mobile. Bon, une prise mobile, comme on l'indique, ça veut dire que, bon, elle peut se détériorer, elle peut. Donc, il y avait trois problèmes au niveau de l'eau. Il y avait l'été. Bon, l'été, la rivière était à son plus bas niveau, donc il fallait souvent y aller parce que la prise pouvait se trouver en dehors du lit de la rivière. Donc l'eau n'arrivait plus. Donc là, il fallait faire en sorte bon, qu'elle accède à la rivière pour alimenter le canal en eau. Donc ça, c'était l'été. Après, il y avait, par contre, ça c'était plus embêtant encore, les crues d'automne et de printemps. Et ces crues emportaient régulièrement la prise. C'est-à-dire que d'un coup, l'eau n'arrivait plus au moulin parce que la prise avait été emportée. Et là, moi, je me souviens, mon père et mon grand-père avaient des cuissardes jusqu'à la taille dans une eau glacée qui allait remettre en état la prise pour que le moulin soit alimenté. Et après, en période hivernale, parce qu'on est des pays très froids. Ici, très souvent, on a moins 28, moins 30 l'hiver. C'est courant, ça ne dure pas longtemps, ça dure 8 à 10 jours. Bon. Et à ce moment-là, l'eau gelait. Et donc la turbine se trouvait prise par la glace et le moulin s'arrêtait de fonctionner. On allait envoyer des seaux d'eau chaude, des arrosoirs d'eau chaude pour la dégeler. Non, le problème de l'eau. Après, il y avait aussi à l'automne toutes les cochonneries qui tombaient dans le canal. C'est-à-dire qu'il fallait sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt entretenir ce canal. Le canal n'était pas protégé. Donc il y avait des branches, il y avait des feuilles, il y avait toutes sortes de cochonneries qui tombaient dedans, donc qui bouchaient le dégrioir et qui empêchaient l'eau d'accéder à la turbine. Le problème de l'eau et du moulin, ça a toujours été. Un moulin, ça marche à l'eau. Hein. Donc, d'ailleurs, là, nous, ici, il n'y a qu'un moulin, mais dans les endroits où il y a plusieurs moulins qui se succèdent l'un derrière l'autre au bord d'une rivière et qui souvent appartenaient à une même famille, eh bien, l'aîné avait toujours le moulin le plus en amont parce que c'était le maître de l'eau. C'était lui qui avait la maîtrise de la rivière et du canal. Non, non, le problème de l'eau, c'est. Ça a toujours été un des problèmes majeurs du meunier, quoi. Le problème de l'eau, le problème de la qualité du blé.